D'après le journal d'internet sud-coréen Jeju Sibo, la solidarité pour la démocratie, la vie du peuple, la réunification pacifique et la souveraineté, l'Alliance des étudiants de Corée du Sud du 21e siècle et autres organisations civiles ont tenu le 25 mai un meeting à la bougie devant le ministère public. En exprimant l'indignation à l'affaire de l'enveloppe d'argent au sein du parquet, les orateurs ont dit que cet argent était la récompense pour avoir dissimulé le crime de Woo Byung-woo et ce secrétaire en chef chargé de l'administration civile de la Maison Bleue. Ils ont tous souligné qu'ils continueront le meeting à la bougie jusqu'à ce que le parquet soit réformé et les abus soient éliminés, comme ils avaient fait pour la démission de Park Geun-hye.